C'est Got Elena pour le Molodeuil, toujours très content de venir ici, et puis voilà. Je suis perdu, cette triste terre. Moi je n'ai rien à foutre ici, je suis fils de lumière. On l'appelle Gabriel, mais aussi Lucifer. Mes fautes et péchés, je vous je les réitère. Je suis un ange, je suis un ange, je suis un ange. Crois-moi si tu veux, je suis un ange, je suis un ange, je suis un ange. Croix descendue des cieux. Je suis perdu sur la planète bleue. Il y a trop de rouge, de sang et de feu. On a beau être un ange descendu des cieux, j'ai rien pu faire, je finirai comme eux. Je suis un ange, je suis un ange, je suis un ange. Crois-moi si tu veux, je suis un ange, je suis un ange, je suis un ange. Droit descendu des cieux, je suis un ange. Ce soir pour le Molodeuil, et je regarde les gens qui passent, et je me dis que ça, que sous ça, ça vaut le coup d'œil. Oui, moi je te le dis, le Molodeuil, ça vaut le coup d'œil. Je suis là ce soir pour le Molodeuil, et je regarde puis la scène, et les gens qui passent, et puis